Salut tout le monde et bienvenue dans ce podcast des rôlistes dans la cave, un podcast de rentrée, hein, c'est la rentrée demain ou après-demain. Ouais. Ouh. Un podcast de rentrée aussi un peu pour nous parce qu'il n'y a pas eu de podcast de la cave en juillet. Il aurait dû en avoir, hein, si on n'était pas en vacances, mais j'étais un peu pris à la cellule, hein, pour d'autres podcasts. Ouais, t'étais en cellule en fait. C'est ça. Et vous l'avez entendu, Jérémy est avec nous, Jérémy le Gobelin. C'est ça. On a Bidou également avec nous. Toujours. La fine équipe qui avait testé Explonarateur. Ouais. C'est ça. On a aussi Choubi. Bonjour. La première fois qu'on t'entend ici. Ouais. Et il y a Anaïs dans un coin qui ne participera pas, mais peut-être qu'on t'entendra faire une remarque ou deux, on verra. Non, pour l'instant, non, je pense pas. Ok, comme tu veux. Alors, effectivement, c'est un podcast match-retour, comme j'en fais parfois pour répondre à des podcasts de la cellule, mais un podcast match-retour sur un podcast qui n'est pas encore sorti, qui sortira dans l'année. Parce que pendant que j'étais occupé en cellule, nous avons playtesté Fatal. Le fameux jeu... Le fameux jeu qui a la réputation d'être le pire jeu de rôle jamais écrit. Oui. Donc bon, je vais pas en parler, hein. Il y aura tout un podcast de la cellule sur le sujet qui va sortir et qui sera assez exhaustif, pas besoin de s'étendre. Toujours est-il que... l'entendre. Oh oui. Toujours est-il que pendant ce podcast, en cherchant sur internet, on s'est rendu compte que un jeu a la réputation d'être pire que Fatal. Ça existe ? Non. Eh oui. Bah... Pire que Fatal. C'est... Alors Fatal était un jeu amateur, hein. C'était tout à fait justifié qu'il soit playtesté à la cellule. Un jeu amateur, oh là là, ma langue fourche. C'est le jeu qu'on va tester aujourd'hui qui est amateur. Fatal était un jeu indépendant, parce qu'apparemment il y a eu des éditions papier qui sont sorties. Il a réussi à s'auto-éditer quand même un minimum. C'est vendu ? Je sais pas, apparemment il y a eu une réédition, donc... Alors après, oui. Je sais pas s'il en a primé 20... il en a filé à ses copains, et puis voilà, déjà il n'y en avait plus. Hein. Oui, mais bon... 20 exemplaires, c'est pas... Donc, là, ce n'est pas Fatal que nous allons tester. C'est un jeu écrit par Kenneth, ou Kenneth Molino, qui est un Américain, qui est révérend. Rien à voir avec... Rien à voir avec Molino. Donc, le révérend Molino nous a écrit le jeu, ce jeu magnifique, qui s'appelle Racial Holy War, The Game. Tiens, je viens de perdre au jeu. Donc voilà, le nom parle de lui-même, hein, la guerre sainte raciale. Tout un programme. Oui, il faut savoir que c'est un terme qui a été inventé aux États-Unis par un mec d'extrême droite racialiste et que le concept a été repris en fait. C'est un peu comme chez nous, des trucs comme le grand remplacement. Oui. Au début, il y a un mec qui sort l'expression et c'est monté en mayonnaise. Quoi. Donc le grand remplacement, qu'est-ce que c'est, si vous ne savez pas? C'est la théorie qui... ces tracts d'extrême droite sur lesquels j'étais tombé, où on voyait une photo d'une dame un peu éberluée, et il y avait écrit en commentaire « Mes petits-enfants seront noirs !» Et oui, madame, et à cause du métissage, d'ici moins de 50 ans, la race blanche sera minoritaire sur Terre. Rejoignez-nous, blablabla. Donc voilà, c'est le truc de dire, hein, ils vont tous nous remplacer, c'est pour ça qu'on commence à construire des mosquées et tout, tu comprends, on commence à porter le voile dans la rue et bientôt tout le monde sera obligé de manger halal. Ouais, c'est magique. Voilà. Et on voit tous les trucs sur Facebook, là, non, l'interdiction du porc dans les cantines, plein de conneries comme ça, quoi, alors. Je sais pas si tu l'as vu, ça. Moi, ça va, mes contacts sont triés, donc j'en ai peu qui postent ça. Moi aussi, ils sont triés, mais c'est des vieilles connaissances de quand j'étais à l'école, tu vois. Sinon, il y a ne plus voir. Oui, mais comme c'est des anciens copains, tu vois, que je veux garder contact avec eux. Oh, bah, bon, ça me désole qu'ils soient tournés comme ça, quand même. Ah, ça, c'est... Non, moi, à force, je l'utilise assez souvent, ne plus voir. C'est une question de... Moi, je regarde plus mon compte Facebook, comme ça, je suis tranquille. Donc, Racial Holy War, est un jeu dans lequel le grand remplacement a eu lieu. Ça y est, c'est la fin du monde. On est quasiment aux portes de l'apocalypse. Il n'y a plus que des basanés, des niakoués ou des trucs comme ça, ou des latrinos. Parce que oui, le terme employé plutôt que latino, c'est latrino dans le jeu. On va y revenir. D'accord. Donc voilà, hein, il n'y a plus que des métis. Et vous représentez les derniers fiers membres de la race blanche. Vous êtes des White Warriors et vous allez... pouvoir combattre cette engeance qui menace le monde qui a tout fait sous les ordres de leur grand maître juif, bien sûr. Et franc-maçon. Et franc-maçon. Mais ça, de base, ça y est pas dans le jeu. Juste les juifs. Ah. Mais vu que, vu que je serai le MJ... Au niveau racisme, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vu que je serai le MJ, on va peut-être ajouter un truc franc-maçon, ce serait rigolo. Que dire d'autre ? Donc, j'ai dit que je serai MJ, c'est un jeu traditionnel. MJ, joueur, fiche de perso, avec des caracs. Mmh. Et j'imagine un scénar. Les persos sont faits avec une dizaine de caracs, dont on met 100 points dans 8 caracs, qui sont la force, la dextérité, la santé, l'héroïsme, le charisme, l'intelligence, la sagesse et l'intimidation. Je ne sais quelle case je ne vais pas remplir. Ça, c'est le truc classique. De... Oui. Il y a ensuite le respect et l'honneur, mais eux qui dépendent de vos actions ou de votre niveau. Ouais. Ensuite, il y a des compétences, il y a des armes. Voilà. J'ai l'impression que le créateur est un membre du Ku Klux Klan ou quelque chose d'affilié. Alors, c'est assez intéressant, effectivement, parce que le mec... en fait, là où Fatal pouvait un peu sembler humoristique, en tout cas, on peut se poser la question, apparemment, malheureusement, ça, c'est pas le cas. Mais Fatal en devient vraiment ridicule, tellement il est... Je veux dire, c'est grotesque. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui tourne, c'est... Russell Hollywood est très cohérent et très conscient de ce qu'il fait. Donc, on dit clairement que pour faire vos personnages, vous pouvez vous jouer vous-même. D'accord. Donc, j'imagine qu'en plus, pour encourager les jeunes joueurs de jeux de rôle et tout à se faire des personnages à se jouer eux-mêmes, on gagne des points en dextérité, par exemple, si on joue aux jeux vidéo. Ou ce genre de choses. D'accord. Voilà, il y a des exemples assez rigolos, des exemples pour les actions du jeu. Alors si je descends, c'est le voilà l'effet de l'intimidation ou ce genre de choses. Par exemple, voilà l'effet du charisme. Le charisme permet de convaincre un PNJ de rejoindre votre groupe, s'en aller ou de faire quelque chose, en classique. Ouais. Et donc on a un exemple. Par exemple, le joueur Hitler a un score de charisme de 30 pendant que sa cible... Bon, je m'arrête là, hein, l'exemple est un exemple de base. Donc voilà. Du perso, là, okay. ça donne le ton. Hein. Dans les noms de joueurs qui sont donnés en exemple, donc il y a Hitler, Sherlock et Aristote. Je sais pas pourquoi les deux autres, mais... Ouais, voilà, moi non plus, je vois pas pour Sherlock. Sherlock, bon, c'est petit bourgeois, mais je vois pas ça plus... Enfin, voilà. Puis, bon, Aristote, pour le coup, je connais peu ses positions sur le sujet. Moi non plus, puis c'est vraiment la Grèce ancienne, donc pas vraiment de sujet sur le grand remplacement. Ah bah non, oui. Encore que, va savoir avec Aristote. Alors, il y a aussi une note d'intention dans le jeu. Donc, la source, le propos principal de Russell Hollywood est de fournir du loisir à ceux qui sont loyaux à la race blanche. C'est une expérience où nos White Warriors impliqués pourront faire ce que beaucoup d'entre nous voulons faire, c'est-à-dire... massacrer les ennemis de notre peuple qui sont en train de détruire notre race. Ah oui. J'espère de plus que cela motivera nos camarades à écraser nos ennemis. Du tout. Il est quoi lui ? Révérend ? Révérend. D'accord. Et pour ça, je pense qu'il est du Ku Klux Klan. Kenneth Molino. Genre, il est peut-être révérend mormon. Bien sûr. Du Nevada, un truc comme ça. Alors, je sais pas, j'ai essayé de chercher s'il avait fait d'autres jeux ou quoi. Déjà, j'ai eu confirmation qu'il était révérend, ça m'a bien fait... Alors, il n'a écrit que ça. Il n'a pas écrit d'autres jeux de rôle, ni aucun jeu, à ma connaissance. Ouais. Sinon, il a écrit des bouquins, des ramassis de saloperies racistes. Des pamphlets, des trucs comme ça. Oui, voilà. Il ne serait pas grand blond avec les yeux bleus, il ne serait pas trompé. Là. Je sais pas, ça va savoir, il est peut-être brun petit avec une moustache. Je pense que c'est mieux. C'est un bon à rien. Oui, voilà. Voilà, c'est un système de jeu assez classique, mais qui permet quand même d'éviter les lancers de dés. Donc on répartit des points dans les caracs. Si admettons vous avez 20 points et que l'autre en face en a 15, ça fait 5 d'écart. Vous lancez un dé et le but c'est de faire 5 ou moins pour réussir. D'accord. ou plus. Enfin bon, bref, on va revoir. On verra ça. Mais c'est un truc comme ça, sachant que du coup, si la différence est de 0, on ne lance pas le dé, c'est réussi automatiquement. Ok. Il y a un système de combat où on gère le moral des troupes, on se motive les uns les autres, et ça permet de gérer... Et il me semble que c'était présent dans les premiers Donjons et Dragons. Des règles de morale qui permettent de dire quand c'est que les gobelins se barraient, plutôt que de faire du jeu vidéo et de tous les tuer jusqu'au dernier, alors qu'il en reste qu'un, qu'il est entouré de 15 personnes. Et... Ah, comme la partie à la balle, là, qu'on avait fait... C'est ça. D'accord. Ah oui, oui. Oui, oui. Voilà, alors bon, moi j'avais un peu la flemme hein, quand même qu'on se joue nous-mêmes dans un truc comme ça, je trouve ça un peu, voilà quoi. Oui. Donc je vous ai fait des pré-tirés, comme ça on pourra se moquer d'eux, ce sera plus drôle. Alors il y a d'abord un scholar, un érudit, universitaire. Un universitaire, merci. Eric. D'accord. Eric, ses points forts, ce sont le charisme, l'intelligence et la sagesse. Ouais. Ensuite, on a un ancien soldat à la retraite. Sa classe, c'est le héros, c'est Jean-Marie. Et enfin, un athlète qui s'appelle Alain. Ah non, non, je vois les références. Ok, ouais. Ah, je vais prendre Eric, moi. Je me vois bien en Eric Zemmour, moi. Ouais, ouais. Eric Zemmour s'est reconverti dans la maîtrise du fusil à pompe. Comme il était tout pourri en combat, j'ai dépensé tous les sous de départ du jeu dans le meilleur flingue. Okay. Bonjour Marie, ça peut être drôle. Bon, bah, va plus pas. Alain. Alain qui ne produit pas que du concept, il produit aussi de la violence. C'est bien. Un homme d'action. Juste pour préciser, donc ouais, Jean-Marie, bon ben voilà, hein, il a des spécialités au fusil d'assaut. Il est assez fort en interrogatoire. Hein. Forcément. Ah, avec la Gégène. Hein. Bah, l'Algérie, hein, ça le connaît. Non, mais moi, je parle de la Gégène. Bah oui, oui. Hein, bah oui, de toute façon, c'est l'Algérie. Alors, Alain, lui, il est spécial. Hein. Bidou, tu vas un peu galérer. Ouais. Parce que Alain, il se bat au corps à corps. Hein. Lui, il fait de la boxe. Sodium. Oui, voilà. Sauf que, bon, vu les scores que... Enfin, disons que t'agis toujours en dernier quand tu combats au corps à corps. Et les armes à feu font mal. Tu m'étonnes. T'es le seul à avoir un gilet pare-balles. T'as vu, il combine CRS, là. D'accord. Super. Bon, voilà. Alors, bon, quand même, on va préciser une petite chose. Hein, c'est que, bon, moi, je rigole beaucoup avec tout ça et tout, ça me fait marrer. Mais, enfin, on est d'accord qu'on rigole du jeu, hein, on rigole pas avec lui. Oui, on est d'accord là-dessus. Hein. Voilà, hein, parce que les... Parce que... Moi, ça me fait... Enfin, le racisme en lui-même ne me fait pas rire du tout, quoi. C'est assez... Moi, ce qui me fait marrer, c'est de voir à quel point c'est complètement assumé. Le mec, il est pas fier, quoi. Il y va et il dit tout, mais c'est vraiment... Oh, c'est sans embâge. Je vais parler de la liste des ennemis, par exemple. La liste des ennemis est assez magnifique. Elle commence par l'ennemi le plus faible, qui est donc le nègre qui pue, le smelly nigger. Sans déconner. Suivi du stupid nigger. Suivi du retarded nigger, donc on a le nègre stupide, le nègre attardé, le nègre répulsif, repoussant, et le plus balèze des nègres est le nègre au crâne épais, et qui ressemble un peu à un singe. Donc après on a les latrinos, qui vont du feignant, criminel, moche, répugnant, taré. Les arabes et perses sont appelés les nègres des sables. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les gooks, ce qui me semble serait le terme anglais pour Nyakwe. Et enfin, les kaiks, qui sont les juifs. Ils ont tous des capacités spéciales. Les noirs puent, et du coup, ça fait plisser les yeux, on vise plus mal. Je sais plus ce qu'ils ont, les latinos, je crois qu'ils peuvent réussir à... Je crois que leur avantage est vraiment utile pour gagner des batailles, je sais plus trop ce que c'est. Les musulmans, eux, ils ont tous une ceinture de dynamite autour d'eux. D'accord. Bien sûr. Les asiatiques, je me rappelle plus exactement, et les juifs dépensent leur fric pour augmenter leurs attaques. Oui. C'est Frédéric Saint-Esse qui me faisait remarquer que finalement cette structure est la même que dans un manuel de Donjons et Dragons quasiment. Enfin, c'est assez semblable au niveau de la vision que les joueurs de jeux de rôle traditionnels ont de leurs ennemis. On a le gobelin, et puis après on a le gobelin qui est sur un loup. Et puis après, on a le chaman gobelin. Et puis oui, après. Oui. Oui, je vois le truc. Ouais. Et puis après, t'as les orques. T'as l'orque qui chevauche un sanglier, etc., etc. Et que voilà, finalement, cet aspect. Ouais, il y a d'autres races qui sont classées comme ça, selon leur dangerosité, en fonction de leurs attributs. C'est un truc assez classique, il me disait finalement, dans les univers de JDR. Oui, oui. Que ce soit du JDR papier ou jeu vidéo même. Hein. Oui, alors en jeu vidéo, c'est encore plus caricatural, j'ai envie de dire. Bah, de toute façon, les premières créatures que tu combats dans un jeu vidéo, c'est quoi? C'est des gobelins. Ouais. Ouais. C'est là où tu apprends à combattre, les gobelins. Les gobelins kamikazes aussi, maintenant j'y pense. Et on peut pas avoir l'adresse du révérend? Ça doit être très dur de trouver la communauté où il officie. Hein. Histoire de lui faire un câlin. Un câlin? Un gros câlin? Ouais. Un gros câlin traverse. Câlin traverse. À mon avis, il est entouré. Enfin, il est avec une communauté de redneck, tu vois. Non. Il est rentré sur ma propriété, je connaissais mes droits. C'est exactement ça, toi. Bon, voilà. Bon, on va pas jouer. Les attributs pour nous, c'est quoi? C'est raciste sur. Je suis un sanglier, après c'est quoi? Membre du Ku Klux Klan, un truc comme ça. C'est un truc de grade aussi pour moi. Non, vous n'êtes que des White Warriors. Ah oui, vous êtes héros, athlètes et. Tous égaux, ouais. Et universitaires. C'est moi l'universitaire. Donc voilà pour la présentation du jeu. Ouais. Ouais. Autant dire que. Alors normalement, je voulais vous laisser au moins 5 pré-tirés. Mm-hmm. Mais j'ai pas pu. Honnêtement, j'ai pas pu. J'ai beau. Enfin. Moi, ça m'arrive de mater des vidéos de Soral pour me foutre de sa gueule. J'aime bien mater des trucs comme ça. Déjà pour être au courant, connaître ton ennemi. Mais voilà. J'aime bien me moquer aussi, tout seul dans mon coin. Et autant à la lecture du jeu, bon, voir quelque chose d'aussi. Aussi éhontément raciste et tout ça, ça me faisait. Rire jaune, on va dire. Autant, après une fiche de perso faite, deux fiches de perso faites, que je cherchais les règles dans le manuel, qui fait que 18 pages, mais bon, et qu'à chaque fois je retombais sur les extraits, alors oui, comme vous voyez, les nègres sont la pire espèce créée sur la Terre, vous voyez, là, le juif peut dépenser son fric, et à la fin de la deuxième fiche de perso, j'en avais marre, je me suis dit, j'en fais trois, ils seront trois, ça suffira, j'en ai marre, j'en fais plus. Ouais, tu m'étonnes, parce que j'ai envie de perdre ton temps. Ah ouais, au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Donc, pareil, j'ai pas préparé de grand scénar ou quoi. Hein. Je vais improviser un truc à l'arrache. Parce que, bon, le but de tout... Voilà. Oui, le but, c'est de le tester, c'est pas... C'est oui. Juste de tester. Puis, bon, voilà. c'est un jeu pourri, amateur, que je suis pas sûr que bon monde ait joué. On va... Voilà. Hein. Le but, je suis pas sûr que je vais aimer, hein, là. Déjà, comme c'est parti. Moi non plus. Hein. Bon, voilà. On va jouer maintenant? Ouais. Ouais. Bah, on est là pour. Ouais. Allez, c'est parti! Bon, bah voilà. Fin de cette partie... Cette partie. Cette partie. Oh putain, quel truc, hein. Ouais. C'est quelque chose. Hein. En tout cas, c'est pas rien. Bah, on a réussi à se marrer quand même. Ouais. Bah, on s'est marré en se moquant des racistes. Oui, avec vos personnages. Ah, on a vraiment exagéré. De... Nous sommes arrivés à Seattle, c'est tout. Parce que du coup, le setting que je vous avais collé, c'était que donc Alain, Eric et Jean-Marie, donc Alain Soral, hein, Zemmour et Le Pen, avaient été bannis de la France, ce pays de bobos gauchistes asservis et pro métissage. Mon Dieu, quelle horreur! Vous avez banni en fait de la France et vous étiez réfugié aux États-Unis. Un scandale, monsieur. Vous aviez un grand plan secret qui consistait à traverser l'océan Pacifique, la Chine, le Moyen-Orient pour aller en Israël mettre un terme. Oui, alors qu'il aurait été plus simple d'aller directement en Israël, mais bon. C'est pas évident, hein. C'est quoi qu'il fallait, nettoyer le monde? Oui, nettoyer le monde, c'est ça. Oh, la bonne idée, on s'est fait nettoyer. Attends, on l'a bien cherché. Hein. Ça va, ouais. Raciste et mauvais pour la santé. Ouais, tout à fait. Oui, donc parce que ça a fini en TPK, enfin, voilà, on a préféré. Enfin, j'ai. Ouais, en tout le monde est mort. Ça a duré combien de temps, la partie? Oh la vache! Ça marche toujours? Oui. Putain, on vient d'avoir une coupure de la lampe. Oui, bah, nous sommes plongés dans le noir, chers auditeurs. Nous allons faire une coupure un instant, le temps de trouver de quoi nous éclairer. J'ai eu peur parce qu'il y a de l'orage dehors. J'ai eu peur que ce soit une coupure en plein enregistrement. Mais c'est une coupure en plein enregistrement. Nous sommes sur le PC portable. Ça vient nous sauver la vie. Parce que ça aurait été sur ton autre PC. Oh, ouais. Ça aurait été mort. D'habitude, en plus, on enregistre avec l'autre. Ouais, on a de la chance. On a de la chance. Oui, bon. C'est déjà arrivé. Hein. Je me souviens. Ça me rappelle l'incendie en direct de Romaric. Enfin bref. Une longue histoire. C'est un des podcasts où il parle de ça. Bref, c'est une autre histoire. Donc revenons à Hahowa, comme on le dit. Racial Holy War. Vous étiez à Seattle et deviez traverser l'océan Pacifique. Il s'avère que vous n'avez jamais quitté Seattle. On est arrivé à Seattle. Voilà. Et je crois que la partie. Mais on est mort à Seattle. Oui. Dans la même soirée. Hein. Enfin, voilà. On a eu le temps d'arriver, on n'a pas eu le temps de se coucher ni de manger. Donc pour et temps de faire caca. pour faire court, du coup, toi, Bidou, tu jouais Alain. Ouais, Alain, c'est vrai. Donc tu. Tu as voulu aller trouver des partisans de la race blanche. Oui, j'ai voulu aller trouver de dignes représentants de la race blanche pour les rallier à ma cause. Et donc tu es tombé sur des Hells Angels qui semblaient de bons candidats ou de prime abord. Ouais, ouais. Il s'avère que tu n'étais pas aussi convaincant que ce que tu croyais. Pas vraiment, non. Disons qu'intimider un Hells Angels n'est pas la meilleure idée. Alors, pour la petite histoire, j'ai énormément galéré à faire le personnage d'Alain. Parce que c'est un mec qui se la pète énormément. Hein. Il suffit de voir une ou deux de ses vidéos pour voir que c'est un mec, clairement, il se prend pas pour de la merde. Hein. Oui. Quand tu l'écoutes, il est beau, fort, intelligent, cultivé, il est sain, il est... Et du coup, je n'arrivais pas à faire sa fiche de perso. Parce que je me disais, mais si je l'écoute, je dois lui mettre 20 partout, le max, quoi. Il est tellement fort, il est tellement beau, il sait faire du kung-fu, il fait la cuisine. Bah, je trouve que t'as mis trop en intelligence, mais après ça... Est-ce qu'il a combien, là ? 5. Non, mais résultat, il est nul partout, quoi. Je lui ai mis quand même quelques points pour qu'il soit costaud. Ouais, 23 en power, mais... Quand même pour qu'il puisse taper, quoi, vu qu'il se la pète qu'il fait de la boxe. Ouais, oui, mais sinon, après, c'est que du bagou, Alain. Bah, c'est ça. Et clairement, la fiche de perso reflète ce que j'en pense, en fait. Hein. C'est juste une... J'aime c'est bien un poli, quoi. C'est j'aime bien son score de respect, aussi. En respect, il a 1. Ouais. Il n'y a que Jean-Marie qui a 2 en respect. Hein. Ouais. Mais ça correspond à quoi, le respect? Le respect, c'est grosso modo le niveau de votre perso. On gagne un point de respect à chaque niveau. D'accord. Sauf quand on est un héros. Oui, d'accord. Ou, je sais plus, c'est peut-être une de tes caractères, toi, Jean-Marie. Ouais, peut-être le courage, je sais plus. Enfin bon, pas très grave. Bon, voilà, hein, ça s'est mal fini avec Hells Angels, t'as fini par fuir et à rejoindre tes potes. Ouais, j'ai voulu le choper, lui faire prout et enfin, au final, moi seulement. Mauvaise idée. Oui. Oui, toi seulement, parce qu'entre temps, Jean-Marie, il a eu un problème. Tout petit peu. Bah, je voulais trouver des copains aussi. Je me suis dit que non, ça serait une bonne idée. Du coup, j'ai eu comme idée d'allumer une croix, histoire d'ameuter des potes. Mais ça a ameuté une bande de nègres, là. Oui, c'était la classe d'ennemis nègres stupides. Le Stupid Nigger, qui est le deuxième ennemi de base du jeu. Et Jean-Marie, bah, il a pas eu de chance au dé. Et puis sur des D12, il a fait que des 1, des 2 et des 3. Et il s'est fait dézinguer. J'avoue que en 4 mauvais jets de dés, t'es mort comme une... le héros est mort. Quelle idée de se séparer aussi, quoi. Il y en a un qui s'en était pas trop mal sorti, hein, quand même. Donc c'est Eric. Ouais. Oui. Alors, Jérémy, moi, j'ai décidé d'aller dans un resto chic parce que je me suis dit, les blancs, ça a du fric. Ça a plus de fric qu'un noir ou un latino. Oui, tu n'allais pas aller au KFC. Voilà. Ah, ou au McDo. Cliché, ouais. Oui. Donc, j'étais dans un resto chic et je me suis aperçu que le patron de ce restaurant était un bobo gauchiste franc-maçonnique. Une pure horreur. Voilà. D'ailleurs, c'était un membre de... Enfin, c'était un membre des ateliers imaginaires. C'est un cellulis, le mec. Je l'ai importé là parce que ça me faisait marrer. Steve, si tu nous entends. Bref, c'était le grand méchant, c'était Steve. Enfin bref, un mec. D'accord. Oui, donc oui, qui avait eu des liens avec les francs-maçons. Voilà, et qui m'a fait comprendre que vu que je n'étais pas français mais algérien, hein, Eric Zemmour est né en Algérie. C'était le grand twist de fin, quoi. Mmh. Tu es algérien. Donc tu m'as dit, vu que vous êtes l'ennemi de la race blanche, de. Faut que vous. Si vous êtes parangon de la race blanche, vous êtes même son propre ennemi, autant vous tuer, quoi. Donc il a voulu que je me suicide. Il a voulu se la jouer L5R et ça a pas marché, tu l'as tué avant. Voilà, je l'ai tué avant et ces gardes sont arrivés, donc je me suis enfui par la fenêtre, je me suis écrasé comme une grosse merde sur l'asphalte entré. Oui, oui. Et Alain Soral est venu me secourir. Sur sa moto. Voilà. Ouais, parce que j'aime pas ton cabriolet. T'es cabriolet avec l'intérieur cuir. Ouais. Moi, je le vire, quoi. Et du coup, on a dû abandonner ma 406 Peugeot avec sa petite Marianne qui avec la tête qui bouge dedans. Oui, c'est vrai. C'était quoi déjà le véhicule de Jean-Marie Le Pen? Un Renault Espace? Ouais, un Renault Espace. Ah, oui. Ouais. Ouais. Made in France. Hein. Bah, il prend de la place aussi. Ouais. Bah. Le paquebot, quoi. Un peu. Oui. Yann y voit la référence. Oui. Le siège du FN, l'ancien ou Je crois qu'ils l'ont vendu, non? Je crois que c'est l'ancien. Ouais. Ouais. Il s'appelle paquebot. C'est un truc qu'ils avaient hérité ou je sais plus quoi. C'était un truc. Apparemment, c'était assez impressionnant architecturalement parlant. Certainement. Ah oui, niveau architectural peut-être. Ouais. Oui, oui. Bah, ouais. Ouais, hein. À niveau connerie, c'était un beau paquebot aussi. Hein, on est oui, bah, il a fait naufrage. Hein. Jean-Marie, ouais. Donc, bref. Sinon, après t'avoir récupéré, on a eu la bonne idée de chercher Jean-Marie. Voilà, ouais. Jean-Marie qui. Pour le retrouver accroché à une croix. Je suis mort crucifixié. Trop cool. Et on est tombé sur un latino avec un grand manteau et un nerf. Et un nerf, ouais, il avait un pistolet nerf là, vous et savez, les jouets en plastique là. Et plein de bibles. Et non, plein de bibles, il avait son manteau rempli de bibles. Vous voyez Neo dans Matrix? Et bah le mec, il avait plus de bibles que Neo à de flingue. Alors par contre, j'ai pas compris non plus, cratère, j'ai pas compris. Parce qu'il vous a tiré dessus un coup avec son nerf et ça a fait un cratère. Oui, on n'a pas compris. On alors, est mort comme ça. Il faut savoir que le jeu, donc, quand on fait son personnage, ils nous disent, voilà, on commence avec 1000$. Achetez-vous de l'équipement pour 1000$, ça vous donnera votre équipement de base. Donc c'est comme ça que j'avais choisi que Jean-Marie aurait un fusil d'assaut, un flingue. Toi, ton fusil à pompe, c'est le meilleur, il coûtait 1000$, je pouvais rien d'acheter d'autre. Toi, je t'avais acheté tes équipements, Julien. Ouais, tenue de CRS. Et bon. Et là, je remarque, il y a une liste d'objets. Alors c'est marrant, c'est comme les jeux d'arcade. Tu bouffes un poulet ou une canette de soda, tu gagnes de la vie. Mmh. C'est vraiment comme ça, c'est très con. Ouais, les beat'em all, ouais. Ouais, voilà. Il y a plein de petits items donc à la con qui sont décrits. Qu'est-ce qu'on a? La viande, un béret, des jumelles, un bâton, un gros bâton, des gants, des talkie-walkie, un ordinateur portable. Et à la fin, je vois Holy Bee, la Sainte Bible, pour simplement 30$, toutes les caractères plus 1. Et là, je me suis dit, mais attends, mais si je m'achète 33 bibles, oh j'ai plus 33 à toutes mes cartes. D'accord. Et donc, votre ami latino avait 33 bibles sur lui, il avait plus 33 à toutes les caracs. D'accord. Et je me suis dit aussi que le scénar avait trop duré, qu'on allait terminer là-dessus, sur la petite blague du mec qui a plus 33 parce qu'il a 33 bibles sur lui. Oh, c'était complètement con, mais il fallait te mettre fin au scénar. Et ouais. ça me semblait marrant. De... Et en plus, avec juste un pistolet. Un nerf, bah oui. Un nerf, ouais. Bon, normalement, ça, j'ai pas respecté les règles du jeu parce que t'augmentes pas tes dégâts avec tes caracs, mais bon. C'est pas grave, au moins ça a terminé. Voilà. Ouais, parce que c'était un peu chiant quand même. Un peu. Oh, oui. Le seul truc qu'animait, c'était nos blagues pour les racistes. Ouais, bah quand on voyait Alain se retamer comme une merde, rouler des mécaniques devant les motards et. Ouais, en fin de compte, ressemblait à rien. C'était juste ça, à part ça, le jeu en lui-même, il est. Bon, en fin de compte, si t'enlèves la rhétorique des joueurs, bah c'est pas la peine quoi. Ouais. Si tu le fais qu'avec des gens que tu connais pas, non, c'est. Ouais, et c'est. Et encore, même en le faisant avec des gens que tu connais, t'arrives à te faire chier. Ouais, non, puis même moi, enfin je sais qu'en tant que MJ. Enfin, c'est bien beau, quoi, mais quand tu quand tu t'entends en train de dire des trucs, comme je t'ai dit, Shubi, pendant ton combat contre les trois noirs, là, ouais. Où je te dis, et donc là, les trois nègres stupides utilisent leur pouvoir de sentir mauvais, tu perds 20% de précision. Tu te dis, mais wow. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire? What the fuck? Putain, comment est-ce qu'on peut écrire ça? C'est... En étant totalement raciste. Ouais. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de second degré et réussir. Sinon, ouais, c'est pas possible, quoi. Bah, si tu le prends pas à la déconnade, c'est pas la peine d'essayer d'y jouer, quoi. Non. Bah, ouais, et encore, là, on l'a joué en rigolade, enfin, satirique. Parce que la rigolade avec le jeu, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent jouer en rigolant avec le jeu, en disant « Mais c'est vrai que les noirs, ils puent !» Ouais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient y jouer comme ça. Il y a des chances, ouais. Et oui, c'est ça le pire. Alors, bon. Et je pense que c'est le vrai but du jeu. Bah oui, c'est le vrai but du jeu. Il n'y a pas de second degré dans l'écriture. Dans les propos, règles du jeu. Le jeu est très clair. Il est très très clair. Alors, justement, moi j'ai une question. C'est que souvent, il y a un truc qu'on entend souvent dans le milieu du jeu de rôle. C'est que c'est qu'un jeu. On est là pour s'amuser. Mais il y a quand même un propos derrière. Oui, mais tous les jeux ont un propos quelque part. Ou alors, ils sont. Enfin. Bref. Mais souvent on évite les propos politiques. C'est des trucs qu'on peut entendre en assaut de jeu de rôle ou quoi, c'est ah non, pas de politique, machin. Alors que bon, enfin bon, tu joues à Warhammer 40 000 ou quoi, tu vas pas me faire croire qu'il y a. Enfin. Mais en plus, selon la façon dont c'est mis en scène, il y a forcément des choses qui sont mises en avant ou pas, ou ne serait-ce que la façon dont c'est joué, c'est politique. Mais souvent, il y a cette espèce de réticence à s'assumer comme un vrai médium. À vraiment employer ça. Est-ce que finalement notre révérend Molly, comme j'ai vu que ses fans l'appelaient comme ça sur internet, notre révérend Molly là, est-ce qu'il ne prend pas le jeu de rôle plus au sérieux qu'un auteur qui fait un truc lambda, tiens je vais faire un unième univers post-apocalyptique avec des classes de voleurs et de machins, et puis il y aura un côté nordique et je cible pas du tout un jeu. Mais. Enfin voilà, est-ce que. Ce mec-là, avec son jeu raciste, politique, ne prend pas le jeu de rôle plus au sérieux que les mecs qui font du simple divertissement à base d'univers 40e univers Medfan, genre Donjons et Dragons, quoi. Si, je dirais. Il est peut-être un peu trop au sérieux. Ouais, mais. Je pense aux Japonais qui considèrent que le manga, par exemple, que la bande dessinée, c'est pas un sous-médium. Et qui n'hésitent pas à sortir Les Misérables en manga. Bon, après, je sais qu'apparemment, là-bas, on peut trouver. La BD française aussi, hein. Oui, mais c'est que les Japonais peuvent considérer que lire Les Misérables en manga suffit pour connaître l'histoire. Nous, on a un rapport au roman qui est beaucoup plus. Oui, non, mais non, je parle même la BD française. Pense ça aussi que sortir Les Misérables en bande dessinée suffit à connaître l'histoire. Et c'est déjà été fait, hein. D'accord, oui. Bon, alors. Les Français n'ont jamais adapté Le Petit Livre Rouge ou Mein Kampf. Non. Les Japonais l'ont fait. Je pense pas, en tout cas. Oui. Ouais, les Japonais, tu peux lire Mein Kampf en manga. De toute façon, il est passé dans le domaine public, hein, maintenant. Mein Kampf. Ou Le Petit Livre Rouge. Je sais aussi qu'il y a... Par contre, Le Petit Livre Rouge, je suis pas sûr, parce que Mao Zedong, ça fait pas 75 ans qu'il est mort. Ah non, mais eux, ils s'en foutent. Ils racontent. Tu sais, ils racontent l'histoire, quoi. Enfin, oui. C'est... Bon, bref. Il y a cette histoire-là de comme quoi ils ont pas honte de sortir des trucs en manga, ou donc apparemment en France on considère certains. Je sais que Nietzsche est sorti en BD. Oui. Il y a une adaptation sur Nietzsche. Il y avait Michel Onfray qui était dessus, je crois, qui avait bossé sur le projet, je crois. Après, je sais pas, j'ai pas lu, donc je peux pas dire. Donc voilà, c'est. Dans la BD générale, je généralise la BD. Hein, que ce soit, et donc voilà, est-ce que Kenneth Molineux ne prend pas autant le jeu de rôle au sérieux que l'auteur qui fait une BD sur Nietzsche prend la BD au sérieux? Par rapport à un mec qui ferait une énième BD d'Avengers. De commande. Pour un public ciblé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, c'est même Avengers a un sous-propos de toute façon. Oui. Même son histoire va avoir une petite tendance politique. On peut oui, pas y échapper. Ce que tu veux dire, oui. On peut pas y échapper. Il y a toujours le ressenti de l'auteur à travers. Même si c'est léger, même si c'est pas profond, il demeure toujours un. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a tout le temps une patte personnelle qu'on met quoi qu'il arrive. Oui, on met ses idées quand même en avant, ouais. Sa façon de voir le monde. Après tout, Perceval, c'était un bouquin de commande. Perceval le Gallois. Enfin, Perceval ou la quête du Graal. Le premier roman où Perceval et le Graal apparaissent. C'était une commande. De Chrétien III. Ouais, ouais. Moi, j'ai quand même un élément de réponse, par contre, sur le fait de... Est-ce qu'il prend ça au sérieux ou pas? Le fait qu'il n'ait pas fait d'autres jeux, déjà, me semble un peu... Est-ce qu'il l'a pas vu comme un outil, simplement? Moi, je dirais que des gens racistes qui pourraient jouer à ce jeu-là, ça les rendrait pas plus intelligents, quoi. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'auteur a réussi son truc, quoi. Oui. Remarque, il veut peut-être créer une secte, hein. Je pense qu'il a déjà sa petite communauté, hein. Comme disait Jérémy en début de podcast. Il porte peut-être même toujours ce nom. J'ai, pendant un temps, c'était il y a très longtemps, je m'amusais à aller... J'allais encore beaucoup plus loin qu'à l'époque, il n'y avait pas Soral, il ne faisait pas ses vidéos et tout. Et si on voulait aller creuser le milieu de l'extrême droite sur Internet, il fallait vraiment aller creuser dans le caca. Je veux dire, le caca profond. J'ai vu des trucs assez incroyables sur des sites qui n'existent plus. Et notamment, c'était des sites où il y avait, je me rappelle, un flyer assez dingue, où on voyait deux nanas dessinées façon manga. Manga kawaii, grands yeux, tout ça. Habillées en uniforme SS. Et c'était un petit flyer qui faisait de la pub pour le site. Vas-y, viens avec nous, rejoins la résistance, quoi, presque. Et sur le site, on disait clairement à côté, n'hésitez pas à diffuser ces tracts auprès des jeunes, notamment au lycée ou aux lycéens. Même si c'est de la saloperie visuelle, genre japonaise manga, on sait que c'est quelque chose qui plaît aux jeunes et que ça pourra peut-être les ramener vers nous. Ils avaient le même discours envers ce groupe de métal raciste là d'extrême droite, Légion 88. Ils disaient la même chose. Ils disaient voilà, c'est du métal, c'est de la merde. Nous, on préfère Vivaldi ou je sais pas quoi. On préfère Wagner. Mais ils disaient voilà, le métal comme ça plaît aux jeunes, n'hésitez pas à diffuser du Légion 88. Ouais. Donc, voilà, je me demande si ce mec-là vraiment a fait ça oui, parce qu'il aimait le jeu de rôle ou parce qu'il le prenait au sérieux ou parce qu'il a vu que des jeunes aimaient ça et qu'il s'est dit que c'était un bon biais de propagande. Oui, c'est un outil de propagande comme un autre, oui. Comme un site internet, comme un livre, comme. Voilà, il cherche un public. Il a quand même un minimum bossé son sujet parce qu'il aurait pu se contenter de faire un truc. Enfin, non, il a fait un truc de base, quoi. Bah, il a adapté, comme tu dis, Donjons et Dragons. Bah, pas tout à fait, parce que. Pas Donjons et Dragons, mais un jeu similaire. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a un jeu qui a un système similaire, mais à ma connaissance, moi, c'est le premier que je vois qui est comme ça. Qui se base que sur les Karak, que sur des Karak contre Karak. C'est un système minimaliste, il est nul à chier. Ça marche comment, Vampire ? Vampire, c'est Karak contre Karak. C'est Karak plus compétence. Ah oui, on ajoute les deux, on lance le même nombre de D10. Oui. Et Cthulhu. Cthulhu, c'est le même principe que là vous aviez pour les armes à feu. Mais pour tous vos jets, c'est que les compétences. Au livre dont vous êtes le héros aussi. Enfin, quoique c'est souvent juste endurance ou habilité, contre. Donc il a fait un truc, à ma connaissance, un minimum original. Enfin, dans le sens où c'est. Moi, j'ai pas vu la même chose ailleurs. Bon, après... Ouais, bon, après, la résolution de conflit, mais pas 15 plombs, quoi. Mais... Mmh. Oui, il y aura. Le système de jeu en lui-même n'est pas... C'est juste histoire de trouver un truc où on peut en dire du bien, quoi. Ouais, c'est assez expéditif. Et encore, ouais, hein, j'ai zappé des vérifications. On est censé faire des additions, des soustractions et des comparaisons à chaque début de round. Ah bah, en fait, j'ai rien dit. J'ai fait pour le début de ton round. À toi, Choubi. Ouais. C'était ça que t'as fait. C'était ça que je faisais. Parce qu'en fait, à chaque round, on vérifie le score d'héroïsme de tous les membres d'un côté, de tous les membres de l'autre. Non, d'intimidation, pardon. De chaque côté. Celui qui a le plus faible score est intimidé par l'autre clan. Mmh. Ensuite, on prend leur héroïsme cumulé de chaque côté. Mmh, et on divise l'héroïsme du clan qui a gagné par celui qui a perdu. S'il était deux fois supérieur, ça fait des malus de 10% de tir aux autres. Si c'est trois fois supérieur, c'est... Enfin voilà. C'est chiant, c'est rien bordel. Que de le dire, j'ai mal à la tête. Et surtout, c'est à chaque tour de jeu. C'est le bordel. Bien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais. C'est... Voilà. Ouais. C'est génial. C'est cela, oui. Pouh. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Des questions, des commentaires? Ben, toi qui as joué à l'autre jeu... À Fatal. Voilà. Tu dirais que c'est mieux ou c'est... Alors, c'est pire. Alors, je... Putain, c'est dur. La question est vachement dure. Parce que Fatal, tant qu'on le prend à la rigolade... Alors, Fatal, en game design, est pire. Parce qu'on n'a pas réussi à finir la création de perso. Spoiler. On ne finit pas la création de perso pendant le podcast. Sérieux? Ouais. On n'a même pas eu le temps de jouer. Voilà, spoiler, je spoil la cellule, moi je suis en dingue. C'est pas là-dedans que tu calcules ta... Si, voilà, oui. Oh. Oh, dur. Et justement, ça, tu calcules la dureté de... de toute pénétration. De... Alors, après, Rachel Reward a l'avantage d'être au moins testable. Parce que je pense que plus d'une partie, c'est chiant avec ce système-là. Ouais. Mais il est encore plus puant au niveau du propos, quoi. Ah oui, littéralement là où il pue. Hein, okay. Ouais, là, il y a une double couche. Ouais. Entre double couche, ouais. Le nom des ennemis, entre guillemets. Ouais, ouais, déjà rien que ça, ça. Non. Voilà. Ce que l'on joue. Hein, ouais, le personnage que tu incarnes, que tu dois jouer quand même, pendant au moins toute la partie. Merci. Ouais, non, c'est... Non, c'est... Non, j'ai pas aimé. Moi non plus. Moi non plus. Mais ça me semblait intéressant, c'est un cas d'école, quoi. Le jeu, pour le coup, extrêmement politique. Je crois pas connaître un jeu de rôle qui est aussi politique que ça. Ah, clairement aussi affiché, ancré donc. Dans le réel, dans des problématiques réelles, et avec des croyances qu'il y a des gens qui ont dans la réalité. C'est un cauchemar. Mais ça existe. Nous... Wow. Ouais. Non, on a perdu combien de temps avec ça? On a perdu une soirée. Et moi j'ai perdu un après-midi à préparer vos persos. Oh, t'as et perdu? À préparer les règles. Oh, j'ai perdu. Putain, <t'es con. rire> Quoi que pour nos auditeurs, je crois qu'ils ont déjà perdu il y a une demi-heure. Donc Ah, bon, bah, je le redirai à la fin alors. Que dire de plus? Il y a une. À la fin du PDF, il y a une clause d'indifférence de l'auteur à l'égard de ses règles, comme Romaric appelle ça. Une règle d'indifférence Ouais, la clause d'indifférence, c'est le fait que l'auteur... C'est une phrase qui est présente dans beaucoup de jeux de rôle, traditionnels notamment, qui veut... Enfin, qui dit généralement, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez modifier les règles, c'est le MJ et les joueurs qui se mettent d'accord, on s'en fout. Faites-en ce que vous voulez, mes règles, on s'en branle. D'accord. D'accord. Mais bon, bref... Super. Donc voilà. Je pensais que j'aurais eu vachement plus de trucs à dire, mais en fait, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, moi perso. Hein, Mais y'a rien à dire sur ce jeu de merde. À part, c'est un jeu de merde, n'y jouez pas. Oui, ou alors avec énormément de second degré. Et encore. Hein, tant qu'à faire, autant prendre Jean-Marie, Eric et Alain et les faire jouer à des jeux comme Loser RPG. À la limite, si vous êtes invité chez des gens que vous n'aimez pas et que vous voulez plomber la soirée, amenez-le. Il faut quand même tenir le rôle, hein, pendant une soirée pour la plomber. Et s'ils sont vraiment racistes, ces personnes-là, oh, t'inquiète pas, en 20 minutes. Hein, hein, et s'ils sont vraiment racistes, c'est ta soirée à toi que ça va plomber. C'est clair. Voilà. Oh merde. Tout le monde va se marrer, tout le monde va dire c'est trop bien, non, vas-y, je veux continuer le scénar. Ok, bon, bah écoute, je prends une grenade, je me fais péter la gueule, au revoir. Alors là, il y a un mec avec un nerf qui arrive. Et 33 bibles. Et 33 bibles. Mais oui. Mais oui. Là. Nerf. Le nerf à titule. Ah là là. Et je lui aurais pas fait faire prout, hein, celui-là. Faire prout. Sans déconner. Et ouais. Et oui. Sur ces bonnes paroles, je crois qu'on peut dire qu'on a fini. Ouais. Au final, non, si, je crois que c'est le meilleur truc du jeu. Le nerf avec les 33 villes. Ouais, ça a été drôle. Voilà. Ça, c'est le meilleur. Le what the fuck total. Voilà. La seule chose. Sinon, le reste. Poubelle. Après, pour me faire éclater la gueule, hein, tu me laisses dans des dés, j'y arriverai très bien. Hein. Ou dans Vampire, ou ce que tu veux. Ouais. Toulouse. À chaque fois qu'on a joué avec Toulouse, on a fait que des TPK. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est que Toulouse, hein. En même temps, nécrophile comme t'es. Mais généralement, avec Toulouse, on affronte les nazis. C'était pas moi. On les joue pas. Oui. Bon, allez, sur ce, on vous dit au mois prochain. Et bah jouer bien et pas ça. Jouer donc, on glisse dans l'oreillette qu'il y a Kaseo Kidam qui vient de sortir son jeu qui s'appelle Yokai. Il est disponible sur Lulu et voilà. Moi je dis ça, je dis rien. C'est vachement mieux que ça, quoi. Sans commune mesure. En même temps, c'est pas difficile. Oui, il n'y a pas de mal. Ouais. Bon. Bel et bien, le pire jeu du monde avec Fatal. Moi je les mettrais à égalité. Ouais, je sais pas, j'ai pas essayé Fatal. Non plus, donc. Ouais, je pense quand même qu'il est plus simple de rire de Fatal que de celui-là. Oui, parce que Fatal essaye au moins de se fixer dans un cadre non réaliste. Enfin, non réel. Oh, comme quoi ? Il essaye. C'est les déclarations de l'auteur à côté qui font tâche. Ah. Bon. Eh bien, écoutez, surtout le podcast de la cellule sur Fatal, vous entendrez un autre jeu de merde, ça, voilà. Si vous n'en connaissez pas assez, vous en aurez d'autres à sortir pendant vos discussions. Salut tout le monde, au mois prochain. Salut. J'ai perdu. Oh non, évidemment. À chaque fin. Je vais le faire à chaque fin.